Coucou, c'est Mathieu. Pour vous permettre de continuer à écouter les petites histoires gratuitement, j'ai décidé de sélectionner des sponsors qui développent de chouettes initiatives pour les enfants. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de la dernière collection de livres disponibles dans les menus Happy Meal de McDonald's. Grâce à la plume magique de Catherine Pancol et aux merveilleuses illustrations du duo Lespelli, vous suivrez Paloma, Enzo et leur chien Pippo dans de folles aventures aux côtés des plus grands héros de la littérature. Et ce mois-ci, ils vont être plongés dans l'univers que je préfère, celui d'Alice au Pays des Merveilles. Au cours d'une aventure riche en créatures farfelues et en personnages hauts en couleur, nos trois héros vont aider Alice à retourner chez elle en sauvant le lapin blanc. Pour lire cette histoire, rendez-vous dans votre restaurant McDonald's et retrouvez les livres de la collection avec votre menu Happy Meal. Bonne lecture! Durée limitée, un livre ou un jouet par Happy Meal, voire le livre du moment au restaurant. Et maintenant, place à votre petite histoire. Les petites histoires de Tell Me. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dévoreuse de cauchemars. Ces mois, dans les cendres, on ne nettoie jamais les toiles d'araignée accrochées au plafond. Ça surprend toujours hein, quand on découvre ça pour la première fois. Et ce n'est pas parce que mes parents aiment la saleté, au contraire. Ce sont de vrais maniaques de la propreté. Mais ils n'enlèvent jamais ces toiles d'araignée parce que ce sont les meilleures pièces à cauchemars du monde. C'est bien connu. Les cauchemars adorent mettre le bazar dans les rêves, surtout ceux des enfants. Figurez-vous qu'il n'y a qu'une friandise qui peut détourner leur attention. Les toiles d'araignée tissées par les enfants de la dévoreuse. Elles dégagent une odeur à laquelle ces nigauds de cauchemars ne peuvent résister. Dès qu'ils s'y sont empêtrés, une minuscule araignée sort de l'ombre, les emprisonne dans un cocon et plouf, ils disparaissent en laissant à sa place des perles de rosée. Ils réapparaissent tous saucissonnés dans une grotte plus lumineuse qu'un jour de grand soleil. C'est là que se terre la dévoreuse. Avec un nom pareil, vous pourriez penser à une araignée gigantesque, avec 8 pattes puissantes, capable de faire le tour de la terre, et 8 yeux noirs et luisants. Mais pas du tout. Elle est toute poilue, arc-en-ciel, et pas plus grosse qu'une pièce de 2 euros. Et c'est grâce à cette petite sauce bariolée et à ses enfants que chaque nuit, je peux dormir tranquillement. Salut, c'est Camille de Pardon Maman et ça me fait extrêmement plaisir d'avoir été sélectionnée par Acast Recommande. Pardon Maman, c'est le podcast qui fait de la vulgarisation comme on aurait aimé en entendre à la radio, à la télé ou de la part de nos profs il y a quelques années. Avec notre équipe de choc, on va creuser des sujets divers et variés pour les présenter de façon factuelle et facile à assimiler, le tout avec aucun veto. On parle des papillons, du cinéma français des années 60 et on passe également par la religion et les hackers. On est souvent accompagné d'invités et toujours d'un petit peu de vin. À très bientôt.